Chapitre 3e. La forêt de Mourom, Nijni Novgorod. En sortant de Toula, on suit la route qui conduit à Kazan, et bientôt on découvre la forêt de Mourom. Les traditions du pays sont empreintes d'une poésie sauvage, et ce qu'elles racontent de cette forêt pleine de mystères défraie l'éveillé du peuple. La forêt de Mourom sert d'asile aux brigands. D'âge en âge, on se redit leurs crimes, et on s'apitoie sur les événements tragiques qui ont ensanglanté la forêt. Les bardes nationaux ont des accents d'une mélancolie profonde quand ils chantent les légendes de Mourom. Cette poésie, sans règles, sans méthode et sans art, un parfum oriental qui ne manque ni de charme ni de grâce. À chaque relais, je me plaisais à écouter ces chants étranges et doux. Le postillon lui-même, tout en conduisant ses chevaux, me faisait des récits merveilleux, et tout cela était dit avec une sorte d'éloquence qui donnait aux faits les plus invraisemblables un air de vérité et d'actualité. Mon gardien en était si bien impressionné qu'avant de pénétrer dans la forêt, il arma son pistolet et dégaina son sabre. Mais ses appréhensions furent en pure perte et nous ne vîmes pas le moindre brigand. J'avoue qu'après le désolant spectacle des steppes, la vue des arbres me fit grand bien. Je respire avec délice la douce senteur de la végétation et je ne me lassais pas de regarder les beaux coqs de bruyère qui voletaient dans la forêt. Un moment, je fis un doux rêve, je me crus en Pologne. Les coqs de bruyère sont les hôtes de nos belles forêts. Mais non, la vie n'est plus qu'un souvenir. Bientôt, nous approchâmes des rives du Volga, et après une courte marche, nous atteignîmes Nijni Novgorod, ville réputée par son commerce. Les deux villes, séparées par le Volga, ont un aspect différent. L'une atteste l'activité, le mouvement, l'autre représente la morne immobilité. La même contrée, le même peuple, le même idiome n'ont aucun point de contact à l'extérieur. Mais la résurrection s'opère une fois par an, à l'époque d'une grande foire, et l'animation se fait comme par enchantement dans la fusion des deux populations. La foire, qui avait lieu à Makariev, vint s'établir ici en 1817. Elle dure pendant 5 semaines. On y voit affluer les produits de l'Asie et de l'Europe. Le Volga, qui relie les deux mers baltiques et caspiennes, apporte à Nijni Novgorod les produits du nord et du midi. Les persans, les kalmouks et les boukhariens fournissent des denrées. Les caravanes de Chine, le thé, les étoffes de soie et les sibériens, des fourrures et des pierres précieuses. L'échange de ces produits divers fait la richesse d'un pays qu'on croirait privé de toutes les ressources morales et matérielles au premier aspect. Tout se transforme, donc tout s'anime et se vivifie au moment de la foire. Les populations appartenant aux différentes nations se rapprochent, les individus fraternisent. Plus de lignes de démarcation entre les religions, les costumes, les usages, les mœurs. Plus de répulsion pour la couleur ou le type du visage. On est unis par le besoin réciproque, on s'entraide, et des peuples séparés par la presque étendue du globe terrestre ne forment plus qu'une même famille. Les habitants des pays voisins et les étrangers arrivent en foule au moment de la foire. Les maisons, les cabanes, les plus pauvres réduits sont littéralement envahis par les touristes, les marchands et les acheteurs. Après ces miracles opérés par l'industrie, la ville retombe dans son apathie, dans son sommeil léthargique. Je fis des provisions à Nijni Novgorod. Cette précaution était d'urgence, car nous étions en carême et nous ne trouvions au relais que du gruau de sarrasin ou de la soupe aux choux assaisonnée à l'huile rance. C'était peu réconfortant pour nous, surtout habitués au luxe ou au confortable de la vie polonaise. J'ai dit nous parce que j'avais deux compagnes d'infortune, mademoiselle Pauline Wilkopolska et Joséphine Ronzewska, déportées de Kiev et qui devaient être dirigées sur Tobolsk. Notre destination était donc différente, mais en attendant le moment de nous séparer, nous pouvions du moins nous voir au relais et échanger quelques paroles. Ces rapides épanchements étaient d'une grande douceur pour de pauvres exilés. Un relais dont j'ai oublié le nom, un tableau de bonheur domestique, aperçu dans un atelier de forgeron, m'arracha bien des larmes. C'était un père et une mère jouant avec une enfant blonde et rose. Et moi aussi, j'avais une fille, et l'exil m'en éloignait pour toujours, peut-être.